ça, toi? Moi, j'aime pas le petit air sadique du prof de mathématiques qui tique, qui pique, qui chic, qui fait tout dans la technique. Je te prends et puis je te nique. Ça, c'est toute ma tactique. J'aime pas les interrogations qui n'ont que pour fonction de vous prendre pour un con. J'aime pas tous les cours de physique qui donnent à mon physique un petit air conique. J'aime pas toutes les équations qui valent pas un rond quand je suis dans ma maison. Les airs de mon prof de philo qui a l'air d'avant-ilo pour m'expliquer le topo. J'aime pas le pas de la directrice qui claque et qui s'immisce dans ma programmatrice. J'aime pas les notes qui définissent celles qui font la police dans ma vie qui se tisse. J'aime pas suivre le cours de l'histoire quand j'en prends plein la poire et rien dans la mémoire. J'aime pas toute la géographie qui m'explique l'ennui sans me faire voir du pays. Taylor is rich quand faut jouer les English en French et sans artiche. J'aime pas calculer combien de fois. Fais gaffe à tes 10 doigts, mon vieux, sois pas si sûr de toi. J'aime pas toutes ces nouvelles techno qui donneront du boulot mais pas sur nos bureaux. J'aime pas cacher dans les toilettes les dealers d'escampettes, d'ecstasy et de piquettes qui te remettent le monde à zéro en te piquant dans le dos histoire que tu sois zéro. J'aime pas, dis-moi, t'as pas 100 balles ou je te tire une balle. Ah, ça te fera peut-être un peu mal. J'aime pas l'école et ses bourreaux, l'école et ses fachos, l'école et ses manchots. J'aime pas les grandes éducation, les donneurs de leçons qui nous prennent pour des pions. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, non, j'aime pas, j'aime pas, pa pa pa la, j'aime pas, pa pa pa pa, j'aime pas, pa pa pa, j'aime pas, pa pa, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, pa pa pa pa pa la, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, ah ah.